fonctionne. Bah, voilà. Il n'y a jamais rien qui marche, de toute façon. Bonjour. Il y a tout qui bouille, il n'y a rien qui... Bon, allez. Ah, mais c'est génial, j'ai un micro. Trop bien. C'est fou. C'est le numéro 7, si tu veux savoir. Eh bien, vous êtes bien à l'écoute de Radio Campus 106,6. On a trouvé assez de micros qui fonctionnent pour lancer cette émission dans les meilleurs conditions, n'est-ce pas? C'est un nouveau tatou. C'est Pyongyang, City Rockers numéro 342. Nom de Dieu. Avec ce soir une équipe presque au complet. Il manque que Thibaut en fait. On a même notre directeur de conscience Manu qui est là. Mais il se cache derrière la caisse des. Le micro 2. Ouais, le micro 2. Mais, il ne dira pas un parler, mot. Pas un seul. Voilà. Et puis sinon, bah ouais, tout le monde quoi. Tertous, bon, vous se présentez au fur et à mesure. Hein. Pour l'instant, bah, c'est une émission avec plein de nouveautés certainement. Et puis des choses. Et puis des trucs canadiens. Ah, québécois. Ouais. Ah, voilà. Des trucs français. Et puis du belge. Et puis même du Barcelone. Non, du madrilène. Ça, c'est moi que je vais le passer maintenant. C'est Accidenté avec une reprise que je vous laisse déguster. Normalement, vous devriez la reconnaître. Puis après, je vous dirai de où c'est tiré. Pour l'instant, aussi Accidenté avec la jolie voix de la demoiselle. Hein, elle est pour PA, celle-là. Il kiffe ce groupe. C'est pour PA, ouais. Voilà. Dédicace. Vous avez reconnu? Ah, non, c'est quoi? Accidenté. Voilà. Ah, mais oui! Oui, voilà. J'ai complètement oublié de. Où est-ce qu'il est, mon document, là? C'est le bordel. C'est un bordel pas possible, cette émission ce soir. C'est juste à cause de moi. Hein. Je lis que, en fait, c'est tiré d'une compilation qui est sortie en décembre dernier sur Accidenté, qui s'appelle Hardcore It Cancer, HCHC, au bénéfice d'une maison de convalescence pour enfants cancéreux à Barcelone, avec plein de groupes super bien, mais que j'en connais quasiment aucun, à part Accidenté, puis un autre, je sais plus lequel. Et donc, bref, ça se trouve sur le Bandcamp hardcorehitscancer.bandcamp.com. Hein, voilà. Et puis c'est tout. Boys don't cry. Je le dis quand même. D'accord. Ça va? Ouais. Bon, qui? Quoi? Allez, j'ai un nouveau groupe formé en 2023 à Montréal, composé de Guillaume au chant et à la guitare, de Fanny à la batterie et de Matt à la basse. Alors, qui est ce Guillaume? C'est Guillaume, c'est un membre de groupes tels que The Generators, Manic Manon and the Guest List, Offside, ça vous parle peut-être pas, mais si je vous dis La Gâchette. Ouais. Ah ouais, tout de suite, ça va parler un peu mieux. Il y a Matt qui était dans Jeunesse Apatride, All the Grudge, Offside et Enshright. Enshright, je ne sais pas si j'avais déjà passé ce groupe. En tout cas, j'ai ramené une cassette de là-bas. Si je ne l'ai pas fait, je le passerai dans les semaines à venir. Et Fanny, qui jouait dans Manowar avec deux N, The Bombs et Up Yours. Alors, c'est un groupe influencé par des groupes tels que Coxparer, ça va s'entendre, Hardskin et Cockney Rejects. Ils ont mis en ligne aujourd'hui leur démo sur Bandcamp. Donc, on y retrouve cinq morceaux, dont une reprise de GLC, le tube du groupe anglais Menace. Et le deuxième EP est presque fini. Il ne reste plus qu'à écrire quelques textes. Et puis ce sera bon. Ce sera très certainement enregistré cet hiver. Moi, je vous ai sélectionné le morceau qui ouvre cette démo. Pour le reste, allez squatter le Bandcamp. Vous n'en serez pas déçus. Get back to work. Non, mais oh, sur Radio Campus Lille. Ça va bien, ouais. Jamais de la vie. Oui. Je sais pas si j'ai dit le nom du groupe, c'était Random Assault de Montréal avec leur morceau Get Back to Work. Voilà, encore du tout bon, made in chez les cousins outre-Atlantique. Ils sont inspirés de Coxparer quand même. Hein. Enfin, je pense. Oui, bah, ils le disent, ils le cachent pas. Hein. Coxparer, Hardskin, Cockney Rejects. De toute façon, c'est une bonne influence, donc faut qu'ils le disent. Et Menace, vu qu'ils reprennent Menace. Ouais, c'est bien. Voilà. Bon, un jour, ça sortira peut-être en vinyle et ça sera vraiment un truc à acheter, quoi. Moi, je tiens à le dire, hein, c'est aussi, franchement. Ouais. Voilà, bah, faut réserver vos sous, quoi. c'est lié. Non, c'est vrai. Je sais que ça va sortir en cassette chez Pils Records. D'accord. Un label qui sort que des cassettes et qui, en général, réenregistre les morceaux dans son studio avant de les sortir. Ok. Donc, il y aura peut-être une version alternative en cassette. Ah, bien. Je suis motivé. À moi. Moi, je vais vous passer de la nouveauté. Le groupe Litige, je croyais qu'on en avait déjà passé ici. Mais j'ai pas trouvé. On en a passé. C'est peut-être moi qui ai merdé dans le lit. Bah ouais, je sais pas, peut-être. En tout cas, sur le site de Pyongyang, j'ai pas trouvé. C'est dégueulasse. Qu'est-ce qu'ils vendent vraiment les sites web, hein, c'est n'importe c'est quoi. Clair. Donc, c'est un groupe de punk de Lyon. Les morceaux sont assez mélodiques et sur scène, ils ont bien la pêche. Ils ont sorti un nouvel EP avec trois titres chez Echo Canyon, c'est un label lyonnais, et qui s'ajoute à leurs deux LP qui sont sortis chez Destructure Records. Et c'est 2 degrés de litige. Oui. Ouais, il y a peut-être une version album, mais on verra ça après. Pour l'instant, un album qui est sorti, franchement, SDZ Records, là, ils ont vraiment trouvé The Pearl, les Bristolois que j'ai passé déjà il y a 3 semaines, je crois, Silicon Values, côté Mobia. Et ben, franchement, mais j'arrête pas, je l'écoute en boucle, hein. Franchement, la cassette, heureusement qu'elle est digitale, parce que comme ça, elle fait du repos, hein. Parce que sinon, elle serait déjà complètement bobinée dans les cabestans. Et bien, donc voici Silicon Values, qui nous ressortent des vieilles thématiques des années 80, revient un peu au goût du jour des années 2020, mais en fait, rien qu'à changer, hein. Faut pas croire. Hein. C'est tout dit par elle. L'histoire est un éternel recommencement. Oui, c'est ça, c'est un cycle. Et d'ailleurs, la preuve, on a des faf au gouvernement et d'autres faf encore qui attendent derrière pour prendre le relais. Non, c'est vrai. Il suffit de le dire. Moi, peut-être pas au gouvernement belge, ça y a peut-être encore. Attends, on va en parler après. Ça dépend du quel côté de la frontière là. Ah, c'est tellement radical comme différence. Ouais. Mais on va prendre en image. Mais le gouvernement fédéral, ça va encore, quoi. Je sais plus, il y en a encore qu'on dit non, on fait rien avec le Vlaams Belang. Oui, on a réussi à les garder de côté. Oui, il y a quand même la NVA qui n'est pas spécialement sympathique comme parti. Mais qui est sympathique dans les partis? On n'a pas le temps, hein. On n'a pas le temps. Voilà. On a si on peut. Un nouveau chez nous. Attends, je t'entends pas là, vas-y, parle. On en a découvert un nouveau en Wallonie. Ah oui. Chez nous. Chez nous. Oui. On est chez nous. Ouais, 4%. Ouais. C'est le pic de l'extrême droite en Wallonie cette année, c'est 4%. On peut encore mettre des piquets autour, des barbelés, puis ceux qui essaient de sortir. Ils foutent le feu dedans. Ouais. Ouais. On est d'accord. Et parce qu'en France, si tu veux, là par contre, entre le gouvernement et les FAF, ça a l'air de bien se passer. Bah, ça se passe très bien. Oui, hein, bah, voilà, manger à la même table. Je te passe le relais et tout, bah oui, bien sûr. Et donc voici, là ça parle de guerre et de la nouvelle guerre froide, comme quoi rien n'a changé, rien n'a encore changé. New Cold War par Silicon Values, et comme disait Gaël, oi. c'est beau, hein. Ça, ça fait un peu pathétique punk. Moi j'aime bien. Moi je dis ça. Ouais, ah, voilà. Je rappelle, SDZ Records, ça se trouve sur Bandcamp, contrairement à Euthanasie Records. mais on l'a quand même trouvé, Euthanasie. Donc maintenant c'est à toi. C'est à moi, ouais. Ouais, c'est à toi, Jamo. Ouais, 20h19, c'est plus tard que 20h06. Ouais, mais plutôt que 20h30. Et vous êtes bien sur Radio Campus, émission Pyongyang City Rockers. Yes. Donc moi, je vais vous passer un titre de Comintern Sect, sorti de l'album Des jours plus durs que d'autres, sorti le 1er septembre 2021. Sans les notes, hein. C'était le bon temps. Ouais, sans les notes. Sur Contra Record et Euthanasie Record. Donc Contra Record, ça n'existe plus, c'est ça ? Non, si, c'est si, encore. C'est Euthanasie Record. Les Allemands existent encore, mais les Français sont dead. Euthanasie Record n'existe plus, voilà. Et le titre, c'est Que restera-t-il de toi ? Bah, pas grand-chose, mais je te le dis déjà, c'est long. Ouais. Mais t'avais pas qu'on m'a dit ça ? Ouais. C'est une dédicace quelque à tous ceux qui s'en ont partis. Ouais. Voilà. Internet. On écoute ça sur. C'est une très belle chanson, ça très belle. We'll be right back. j'ai perdu un copain. Et voilà, et voilà. C'était fini. Ah, Manu est content d'avoir eu son petit Comintern Sect. Ouais, il y a quand même des choses qui ont changé depuis les années 80. C'est beaucoup plus mélodique. Mais bon, Comintern Sect est toujours là, et puis maintenant, ils sont jugés par des gens qui ont absolument pas connu les années 80, mais qui sont sûrs de comprendre tout ce qui se passe, et tout ce qui se passait à l'époque. C'est vachement intéressant, quoi. Enfin, bon, je veux pas... Pirate Punk? Je veux pas épiloguer. Oui, bah, enfin, sur Pirate Punk, ils sont pas tous comme ça. Mais c'est vrai que... Il y en a, ils sont un peu lourds, quoi. Surtout que quand t'es sûr, enfin, eux, ils sont sûrs de tout savoir depuis derrière leur écran. Internet Warrior, comment on appelle ça. Ouais, c'est ça. Ils savent tout. Alors, il n'y a pas que des Internet Warriors sur le site qu'on a prononcé tout à l'heure. Ils savent que. Ouais, ils croquent que. Ils croquent que. Bref. Et sinon, ça va? Ça va. Bon, bah, c'est qui va passer quelque chose? Bah, chez toi. Vas-y, allez. Ouais, bah, non, c'est toi. Fou, bah, oui. En plus. Du coup, moi, je vais vous passer un groupe que j'ai déjà passé ici, c'est NAG. Ah non, hein, c'est interdit, ça. On ne peut passer chaque groupe qu'une seule fois. Le groupe NAG. Italien. Là, on a c'est un groupe américain. C'est un groupe de punk, post-punk américain. Ouais, c'était bien, ça, super. Mais ils ont de la nouveauté, du coup. Je passe les nouveaux trucs. T'as raison. Donc, ils viennent de sortir une nouvelle cassette qui s'appelle Fear. On peut la retrouver sur le label Urticaria Records, un label de Nantes. Et il me semble qu'il y a quelques exemplaires chez notre label de cassettes lillois d'Artist Lab Records. Il me semble avoir vu passer cette info. Donc voilà, j'ai choisi le morceau In Effect de NAG. Et ils avaient fait un super concert où il y avait plein de monde. On n'arrivait même pas à rentrer au pit. C'était vachement bien. Peut-être qu'ils vont revenir. Peut-être. Ça se trouve bien. NAG. Oui. Non. Allez, on parle encore d'élection? Non, quand même. Non. Moi, je parle pas d'élection, mais j'ai un petit descriptif. J'en prie. Alors, Fine Équipe et le nouveau projet de Fab et Jackie de, entre autres, Syndrome 81. Après avoir rendu hommage avec Mentalité 81 au hardcore old school, puis au punk nordique avec Grisaille, il s'attaque cette fois-ci, accompagné par Régis à la batterie, à la scène Straight Edge. Cinq morceaux dans la plus pure tradition Youscrew ont été enregistrés et comme pour les autres projets, le chant est en français, ce qui rajoute un véritable plus à cette session. C'est Alex Offside qui a écrit ce texte et I approve this message. Moral d'acier, oi. We'll be right back. Toujours très bon ce qui sort chez Offside Records. Oui. Ah oui, c'est excellent. Ouais, ouais. Ouais, toujours très bon ce qui sort de la Clique à Syndrome. Ah ouais, ouais. Brest, Brest, c'est une ville que j'aime beaucoup, ouais. Musicalement. Ouais. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? J'ai jamais foutu un pied à Brest. Ouais, tu vois, je peux pas dire que j'aime cette ville. Tu partiras jamais de Lens, toi? J'y suis parti, tu vois. tu y es parti ou tu en es parti? J'en suis parti. Ouais. C'est mieux. Enfin, je sais pas. Bonjour madame, oui, vous allez bien? Oui, oui, ça va. Vous avez ramené vos devoirs de vacances? Oui, ah, j'ai pas eu beaucoup de temps. Vous avez ramené des clowns? Alors, ce samedi 15 juin se déroule un petit festival d'Anjour dans le Brabant flamand à Opwijk, pas très loin de Bruxelles, le Loco Loco Fest. Nous allons donc revêtir notre côte de maille, perfectionner notre prononciation flamande, Schildenvrind, et braver la frontière linguistique. Oui, je suis un peu traumatisée par les résultats des élections dans cette partie de mon cher pays. Mais je m'égare dans des considérations délicates et je ne mets pas tous les flamands dans le même panier. C'est comme si on disait que tous les gens du Borinage sont au chômage. Ce n'est pas vrai, il y en a qui sont à la retraite. Revenons donc à l'affiche du Locofest, qui nous propose pour sa 19e édition une affiche bien sympathique avec Total Chaos, Calico, Rotten, Disturbance, Iéna, Jodie Foster et encore bien d'autres. Il y a donc 12 groupes à l'affiche. Tout ceci pour la modique somme de 25 euros. Mais de quoi se plaint le peuple, on se le demande. On va donc écouter un groupe qui n'a rien pondu depuis 5 ans. On va devoir leur en toucher un mot ce samedi, moi je trouve. J'ai nommé nos amis italiens de Iéna avec un morceau sorti en 2019, La Morte Chiama. Un beau fade out pour reprendre sa respiration avant de parler. Comment on en est arrivé à parler de la vie de Brian? Non, de Sacré Graal, je ne sais pas. About. Par rapport au prochain groupe. Eh bien, non, alors oui, voilà. Premièrement, je dois vous annoncer que non seulement, alors il y a déjà pas mal de punk qui essayent de se professionnaliser en proposant leur service de transport. Et ils achètent un vieux Camtar, tu sais, un 508 tout pourri, ils le refont, tout ça. Et puis c'est parti pour faire des tournées dans toute l'Europe, presque toute l'Europe. Et tomber en panne, mais sinon. Et tomber en panne au milieu de l'autoroute, au pire endroit, tu sais. Pourquoi ils sont en voiture électrique? Voilà. Ah non, pas, non, en vieux 508, rapide, c'est. Parce que c'est un 508. Et alors ça, il y en a quand même quelques-uns. Y en a même en Allemagne, ils ont plein de camions et tout. Enfin, c'est bon, enfin, c'est les cheleux, comme d'habitude, ils peuvent pas s'empêcher de faire l'industrie. En Russie, il y en a un qui a eu une autre idée. Alors, il a déjà un camion. Je crois que c'est un Merco, d'ailleurs. Il s'appelle Denis Alexeyev. Oui, c'est plus cher pour vous. Il s'appelle Denis Alexeyev. Il est de Novosibirsk, tu sais, leur Sibérie centrale, là. Et il s'occupe de transporter les groupes, même les groupes, là où les groupes russes n'osent pas aller en Russie, c'est-à-dire tout ce qui est à l'est de l'Oural. C'est carrément, quasiment lui qui fait tous les transports de groupes qui font des tournées dans des bleds dans l'Orient, j'allais dire soviétique, russe. Voilà. Et alors là, le gars, en fait, il a une autre idée, c'est qu'en fait, il s'est bien aperçu qu'il y avait aussi du public dans des bleds où il n'y a même pas de route. Donc vraiment le. Il y a des concerts là-bas. Oui, oui. Et donc ils essayent de. Déjà, ils écoutent de la musique, ils écoutent les radios, ils écoutent les machins sur Internet. Quand le groupe électrogène est plein. Voilà, c'est ça. Et c'est exactement ce genre de situation. Hein, t'as tout à fait raison. Mais il y a le seul moyen d'arriver dans ces villes et ces villages, c'est les fleuves. Et donc, bah pour faire ça, faut acheter. Voilà, il faut acheter un bateau. Et le monsieur Denis Alexeyev, qui est une légende vivante en Russie, hein, il est connu partout en Russie et même dans les autres pays pour transporter les groupes. En France. Hein. Et ben, si, il y a des groupes français déjà qui ont eu recours à ces services. Ils sont jamais revenus. ça, je ne sais pas. Et donc, il a jeté son dévolu sur un petit bateau qui coûte la modique somme de 150 000 roubles. C'est cher, hein. Non, ça fait 6000 balles, ça fait 6000 euros. Ouais, ouais. Voilà, un petit bateau que j'ai la photo là, mais je peux pas vous la montrer parce qu'elle est sur l'écran. Puis, c'est une embarcation qui a piqué. C'est une barque. C'est un kayak. Tu vois, Manu, il a l'air d'être pas mal ce bateau, hein, franchement. Bon, et donc grâce auquel il se propose d'ici la fin de l'année 2024 de faire des tournées, y compris dans des endroits où la main d'aucun groupe punk n'a jamais mis le pied. Et donc, pour ça, il a besoin de sous. Il a déjà récupéré à peu près... j'ai dit 150 000, c'est 550 000 roubles. Ça fait 6 000 euros. Il a déjà collecté à peu près la moitié de la somme. Et donc, il collecte le reste d'ici la fin de l'année, quoi, pour récupérer le boat et puis l'aménager pour faire, pour voiturer, enfin, pour batoter des groupes. Pour qu'ils aillent dans des bleds où il n'y a même pas des gueules d'Européens, quoi. Ils ont tous des tronches de horribles soviétiques. Il aurait dû acheter une péniche. Vois, comme ça. Ouais. Il aurait pu faire des concerts sur sa péniche. Je pense que c'est des fleuves là-bas où tu peux pas faire une péniche parce que c'est un peu trop mouvementé, quoi. C'est des fleuves, ils ont une taille dessus. De mer. Ouais. Ouais, des brise-glaces, c'est ça. Ouais. je vous mettrai l'adresse parce qu'elle est un petit peu compliquée, mais je trouve ça bien de porter le punk là où pour l'instant, n'a jamais fait de concert. Moi, je trouve que c'est un truc bien. En plus, le gars. On l'a fait à Montigny-sur-Roc. C'est un bon aller. En bateau. Il n'y a pas de transport en commun là-bas. Donc, le gars, en plus, c'est un opposant à Poutine. Il se démerde pour l'instant pour être passé en dessous du radar. Si vous voulez aider cette initiative pour amener le punk dans la République de Saka, autrement dit la Yakoutie, c'est vraiment tout là-bas, hein, à l'est de la Russie. Je vous mettrai l'adresse sur le Facebook de l'émission et sur le site web de l'émission. Comme ça, vous pourrez la trouver et vous pourrez participer à la hauteur de vos modestes moyens, si vous voulez. Mais moi, je trouve ça bien d'encourager ces gens. En plus de ça, c'est des opposants, donc quand même merde, bordel, hein. Ça va bien, un petit peu. Qu'on va pas donner de l'argent pour rien? Peut-être qu'il va le boire, tu sais, la vodka, ça coule à flot là-bas. Ou peut-être qu'il va exploser malencontreusement. Ça, t'en sais rien, ça finit. Des fois, ça finit mal, t'en sais rien. Mais c'est un peu comme les camions là qui finissent en rade sur l'autoroute et puis on n'arrive jamais à redémarrer le moteur. Hein. Et pareil, quoi. Bon, bref. faites un bon mouvement ou pas, c'est comme vous voulez. Pour l'instant, un groupe de Russes aussi, qui viennent de encore une délicieuse ville presque de Sibérie, Saransk, Damba, encore des gens qui ont, je ne sais pas pourquoi, qui n'aiment pas le régime en place en Russie, et donc qui font du blues, mais un blues un peu particulier, puisqu'il veut partir de l'autre côté de la frontière, Blues Out the Border, par Damba, qui viennent de là-bas. Ouais, j'avais prévu que c'était pas vraiment Prime Sautier, ce Damba. J'ai complètement oublié de dire que ce camion là, qui est connu dans toute la Russie là, de ce Denis Alexeyev, ce camion s'appelle la Gazelle de la Mort, est décoré en tant que tel. Enfin, bref, plein de peintures et tout ça. Et voilà quoi. Donc c'est un truc à suivre, même s'il y en a qui sont un petit peu dubitatifs autour de cette table, n'est-ce pas? Je vois pas ce que tu dis. Tu comprends pas. Je ne comprends pas. Vous écoutez Radio Campus, c'est l'émission Pyongyang City Rockers pendant encore 15 minutes et voici Célia. C'est moi. Non mais je sais pas, d'habitude on fait des tours de table et tout. Ouais, et mais tout, à un moment, là, Stéphane il a couillé, je suis perdu. C'est pas grave. Je voulais parler du Loco Loco Fest, mais ça a déjà été fait. Du Sorry. Coup, non mais c'est pas grave. On devrait s'accorder au préalable. C'est ce week-end en même temps. C'est vrai que les émissions ça se prépare. Mais je vais quand même passer un petit morceau de Jodie Foster parce que ça c'est longtemps. Ah. Bon, je présente pas, je crois qu'il n'y a pas besoin. Tout à fait impartial. C'est ça. Et, tout à fait impartial, tout à fait. Et du coup, j'ai choisi le morceau Don't Take It Bad parce que ouais. Les paroles, elles sont assez cool. C'est toi qui les as écrites ? Non. Non, même pas, mais en fait, c'est surtout, comment dire, dans la. Vu ce qui se passe chez nous en ce moment, c'est pas mal. Le refrain, ça dit We at you all, don't take it bad, no tolerance for the intolerance. Ouais. Qui, voilà. C'est facile. Hein. C'est posé. C'est facile et. On finit par ne plus se tolérer soi-même. C'est ça. Oh là là. Ah ouais, non, attends. Bon, bah, je vous laisse. Redis-le. Le. Du coup, Don't Take It Bad de Jodie Foster sur Radio Coop. Ça va bien, ouais. Donc Jodie Foster avec Iéna, Kaleko, Rotten Meiru, Total Chaos, Disturbance, mais pas 1984. Pour Loco Loco, samedi, pour 25 balles. Ça va être ouais. Trop bien. Finalement, j'ai peut-être envie d'y aller. Ça commence à 15h. Ouais, vous avez de la place dans la voiture. Bien sûr. Non, on sera la veille. En fait, on va la veille, on va faire la fête avec les groupes, nous. Ça va, j'irai pas, puisque c'est comme ça. Bon, allez. Vers la mi-juillet sortira un album d'un groupe Oi de Paris sur Mendeku Discac. Il avait déjà sorti son premier EP sur ce même label basque. Il apparaît aussi sur la compilation Paris on Oi. Il est composé de Mama Dochan, Joy et Dev au guitare, Pagno à la basse et Nico à la batterie. Vendredi 13, le morceau qu'on va écouter, figurera sur ce nouvel album qui portera le nom de Grise Époque. Ça parle du vendredi 13 novembre 2015, le jour des attentats dits du Bataclan. Le bassiste, Pagno, s'est pris une balle par un terroriste dans la jambe. C'est lui qui a écrit les paroles de ce morceau. Une pensée à toutes les victimes et survivants d'un attentat. Résilience sur Radio Campus Lille. Oh. un vieux truc, je sais plus, bah voilà, c'est bien, résilience. C'est bien. Ouais, ouais, c'est bien. Histoire lourde. Mmh. Bon, il nous reste 9 minutes. C'est à qui ? Bah c'est à moi. Youpi. Donc partons à Buenos Aires pour le dernier effort en date de Desbordés, dont je pense que j'ai dû passer l'heure intégrale au fur et à mesure qu'il est sorti. Je trouve que leur son devient de plus en plus facile à écouter, et je trouve ça pas bien. Hein, vous léché. Presque léché. Tu vas entendre quand même, bon, c'est pas devenu des hymnes à chanter en clap-clap. Mais bref, voici, ils se disent... Il et elle se disent enemigos, enemigas de la sociedad. Il y a un X à la place de... Tu sais, après le G. Enemigos. Je sais pas comment on arrive à le prononcer, ça. Je ne le ferai pas. C'est pour ça que j'ai dit en deux fois. Ennemi de la société par Desbordés. Et puis ça se trouve sur leur Bandcamp, desbordezc.bandcamp.com. Sur Campus 106,6. C'est Pure Gangsta Rockers. Bah ouais, voilà, c'est déjà fini. Taisez-vous. Hein ? T'es débordé ? Ouais, débordé. Allez. Ah oui, mince. Bah, alors ? J'aime bien les silences comme bah ça. Bah non, mais je sais pas, des fois j'attends que vous finissiez de parler. Moi, je vais passer un petit morceau de Descent Dance. Mais pourquoi ? C'est un... Bah, parce que... c'est un groupe de punk légende californien, de punk rock. Et ils sont en tournée européenne en ce moment et ils passent demain au Black Lab à Wesker Hall. C'est avec Milo au chant. Oui. Waouh, ouais. Wow, cool. Toujours le même. Et donc j'ai choisi le morceau Everything Sucks qui vient du même album. Everything. Enfin, de l'album éponyme. Tout craint. C'est ça. Descendants. Ouais, c'est vrai, il faut rectifier parce que Gaël m'a pris en flagrant délit de dire n'importe quoi. Ça n'a pas toujours été Milo Carman. Voilà. Bim. Tac. Alors là, mais bien, là, bien. Allez, on part en Hollande. On part en Hollande avec Dave Drinker qui va sortir à la rentrée un nouvel album sur Rebellion Records. Il s'appellera Into an Early Grave. Ça a été enregistré pas loin d'Anvers, en Belgique, au High Lake Hill Studio par Bart Van Leer. Dedans, on y retrouve des membres de Malade, des Reapers, de Croncore, de Rooster, Penco. Et sur le disque, on retrouvera les Mawashi faire des wow. Ah oui, c'est vrai. C'est vrai qu'on a fait ça. Away Days, c'est le nouveau morceau de Daydrinker. Et c'est tout de suite sur Radio Campus Lille, Pyongyang City Rockers 106,6, 1312 FM. semaine prochaine. À Gab. Et nique les femmes. Et voilà. Ouais.